Au chapitre 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent : Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ? Jésus appela un enfant, le plaça devant eux et dit : Je vous le déclare. En vérité, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi, me reçoit moi-même. Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Quel malheur pour le monde qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. Il y aura toujours de tels faits, mais malheur à l'homme qui en est la cause. Si c'est à cause de ta main ou de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied que de garder les deux mains et les deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul œil que de garder les deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Gardez-vous de mépriser l'un de ces petits. Je vous l'affirme en effet, leurs anges dans les cieux se tiennent continuellement en présence de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Qu'en pensez-vous? Si un homme possède 100 moutons et que l'un d'eux se perd, ne va-t-il pas laisser les 99 autres sur la colline pour partir à la recherche de celui qui s'est perdu? S'il le retrouve, je vous affirme qu'il ressent plus de joie pour ce mouton que pour les 99 autres qui ne se sont pas perdus. De même, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère pêche contre toi, va le trouver et montre-lui sa faute, mais en demeurant seul avec lui. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux autres personnes avec toi, afin que, comme le déclare l'Écriture, toute accusation soit appuyée par le témoignage de deux ou trois témoins. Mais s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, considère-le comme un étranger ou un collecteur d'impôts. Je vous le déclare, en vérité, tout ce que vous interdirez sur terre sera interdit dans le ciel. Tout ce que vous permettrez sur terre sera permis dans le ciel. Je vous déclare aussi que si deux d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit dans la prière, mon Père qui est dans les cieux le leur donnera. Car là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda : Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il ne cesse de pécher contre moi ? Jusqu'à 7 fois ? Non, lui répondit Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi décida de régler ses comptes avec ses serviteurs. Il venait de se mettre à compter quand on lui en amena un qui lui devait des millions de francs. Cet homme n'avait pas de quoi rendre cet argent. Son maître ordonna alors de le vendre comme esclave et de vendre aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il possédait afin de rembourser ainsi la dette. Le serviteur tomba à genoux devant son maître pour le supplier. « Prends patience envers moi, lui dit-il, et je te paierai tout. » Le maître en eut pitié. Il lui remit sa dette et le laissa partir. Le serviteur sortit et rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 francs. Il le saisit à la gorge et le serrait à l'étouffer en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds et le supplia « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais il ne voulut pas. Il le fit au contraire jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Quand les autres serviteurs virent ce qui était arrivé, ils en furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors le maître fit venir ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'ai remis toute ta dette parce que tu m'as supplié de le faire. Tu devais toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître était très en colère et il envoya le serviteur en prison pour y être puni jusqu'à ce qu'il ait payé toute sa dette. Et Jésus ajouta, « C'est ainsi que mon Père qui est au ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. »